بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في ذلك اليوم ندخل في الدرس الخامس وستين soixante cinquième leçon. Et nous avons dans le dernier درس nous sommes entrés dans Kitab al-Sira qui touche aux choses de l'histoire liées à l'islam et nous sommes entrés dans ce qui touche à Walen, à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa vie. Car il est important de connaître sa vie pour savoir quel fut son parcours et comprendre les événements et l'évolution de notre religion et pour voir si possible, autant que possible, s'imprégner de son comportement et de sa méthodologie, de la connaître, de la comprendre, de l'assimiler. Et cela se fait en connaissant sa biographie. Naam. Thumma qala fi su'al al-arba'amiyya. 400e question. Uzkur ba'd mardaati. Donc il dit, cite certaines de ses nourrices qui l'ont allaité. Certaines de ses nourrices qui l'ont allaité. Donc il dit, parmi elles, il y a Halima al-Sa'diyah. Elle est connue. Halima al-Sa'diyah. Et celle qui était, lorsque le prophète s'est fait, lorsqu'il était encore un enfant, que Jibril est venu, l'a attrapé, lui a ouvert la poitrine, et l'a lavé avec de l'eau de Zamzam. Et cela dans son enfance. Et après, la chose s'est répétée dans l'âge adulte, avant qu'il ne fasse l'Isra, le voyage nocturne. Donc cela était sous la garde de sa nourrice qui était Halima et Sa'diyah. Et une autre qui est Thuwayba Mawlatu Abi Lahab. Tahib Thuwayba. Et elle, le dalil, c'est le hadith d'Umm Habiba, lorsque Umm Habiba lui exposait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari avec sa sœur, qui était la fille de Abu Sufyan également. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu qu'elle était de ses sœurs de lait, car elle avait été quand elle Arda'atni wa Abu Salama Thuwaybiya. Ou Thuwayba, afwan. Thuwayba. Donc il a dit Arda'atni wa Abu Salama Thuwayba. Et il y en a eu d'autres. Sûrement, là c'est celle qu'il cite parmi les plus connus. ثم قال في السؤال الواحد بالأربعمية. 401e question. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qui est-ce qui a pris en charge le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, étant donné que ses parents sont morts, alors qu'il était encore enfant. Et c'est جده عبد المطلب. ثم بعده عمه أبو طالب. Donc celui qui l'a pris en premier lieu sous sa garde, c'est son grand-père, qui est عبد المطلب. On avait dit qu'il s'appelait Shayba en réalité. Et par la suite, quand son grand-père est mort, ce fut son oncle, Abu Talib, le père de Ali, radiallahu anhu, et de Ja'far, radiallahu anhu. C'était lui qui fut son tuteur, le père, du moins le frère de son père, Abu Talib. Et qui était parmi les grands notables de Quraysh. Son grand-père ainsi que son père, ou plutôt son grand-père ainsi que son oncle, était parmi les grands hommes de Quraysh, ce qui lui a permis d'avoir une protection lorsque la révélation lui a commencé. ثم قال ما اسم ابي طالب في السؤال الثاني وبعد 400. Quelle est la deuxième question? Quel est le prénom d'Abu Talib? Abu Talib est connu par sa kunya. Maintenant son nom c'est عبد المناف ابن عبد المطلب. Il s'appelle عبد المناف. Et ça c'est le nom de ta'bid pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas permis en religion d'avoir un nom de ta'bid pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais eux c'était leur nom qu'ils avaient dans la jahiliya. Donc leurs noms n'ont pas été changés. نعم ثم قال في السؤال الثالث بعد 400 403e question اذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit cite des femmes du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc là ils vont citer, mais apparemment elles auraient été plus nombreuses que ce qui va être cité là comme nom. Allah ta'ala alam. فقال, il a dit en premier lieu Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid, c'est Mahlouf, c'était la première de ses femmes et la mère de ses enfants, hormis Ibrahim. Après, il y a eu Zaynab bint Khuzayma. Et elle également, elle décéda. D'accord ? Également Zaynab décéda. Puis, Saouda bint Zorma, ou Zama. Saouda bint Zoma. Après, il y a eu Maymouna bint Al-Harith. Puis, Aïcha bint Siddiq, la fille d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Et Jouayriha bint Al-Harith. Zeynab bint Jahsh. Donc il y a eu deux femmes qui s'appellent Zeynab. Et l'une de ses filles également s'appelle Zeynab. Wa Ramla bint Abi Sofyan. Et Safiya bint Hayyin. Wa Hafsa bint Omar bint Khattab. Donc là, comme on le voit, 10 ont été nommés. Et il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il en avait 9. Et d'autres également ont été dites comme étant ses femmes, dont l'une d'entre elles, dont je ne me rappelle pas de nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a divorcée avant d'avoir des rapports avec elle. Qu'il a fait une khidba avec elle, qu'il s'est marié avec elle. Lorsqu'il a voulu s'approcher d'elle, elle a dit A'ouzou bika min al-azim, ou hawla hada. Je cherche refuge contre toi auprès de l'immense, pour Allah Azza wa Jal. Et de là, il a dit Al-Hakib ahlik, retourne auprès de ta famille. Car tu t'es protégé de moi, tu t'es protégé, tu as cherché refuge contre moi auprès de plus grand, dans le sens. Donc, il ne me revient pas de te toucher. Et donc, les deux ulamas disent que cette femme-là a été divorcée. Son nom n'a pas été cité, je crois. Wallahu ta'ala alam. Pareil. Thumma. Et là, j'aimerais faire un tambih par rapport à ça. C'est une mas'ala sur laquelle qu'on entend souvent chez beaucoup de frères, ou même les sœurs également, qui méritent une révision de la compréhension. Qu'il s'agit de nommer les femmes mariées par leur prénom. Car on voit que beaucoup de gens prennent cela comme étant une chose qui met dans la gêne, ou comme si cela était une chose honteuse ou une chose qui n'était pas bonne. De nommer une femme mariée par son prénom. Par exemple, un frère, sa femme s'appelle Fatima, d'accord ? Et lorsque les gens parlent d'elle, ils l'appellent Fatima, la Salem. Ou quelqu'un dit, ma femme s'appelle Fulana, ça s'appelle Zeynab. Et les gens s'imaginent que c'est une chose qui n'est pas bonne, qu'il ne faut pas donner. Ils disent, appelle-la par sa kunya. D'accord ? Ils disent, appelle-la par la kunya. Et ils le prennent mal. Ils voient cela comme un manque de pudeur ou relevalika. On dit que le prénom d'une femme, ce n'était pas une aura. Ce n'était pas une partie intime à cacher. Et des adillahs de gens qui sont plus jaloux que nous démontrent que leurs femmes ont été nommées clairement. Par exemple, dans le hadith, dans le kitab de Bukhari, dans le bab que tasadduq al-mar'a ala zawjiha wa awladiha, qu'il est permis à la femme de donner sa zakat à son mari ainsi qu'à ses enfants, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait le long hadith lorsqu'il a dit aux femmes qu'elles étaient les plus nombreuses des gens d'enfer, après et qu'elles maudissaient beaucoup et qu'elles étaient ingrates et ainsi de suite, il leur avait dit de faire sadaqa. Et à la fin du hadith, qila ja'at imratu ibn Mas'ud tasta'zin alayhi. Donc la femme d'Ibn Mas'ud est venue pour demander la permission pour pouvoir lui parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faqila ya Rasulullah hazi Zaynab. Il lui a dit, oh messager Allah, voici Zaynab. فقال أي زينب. Il a dit qu'est Zaynab. Zaynab, c'est le pluriel de Zaynab pour dire qu'il appelle Zaynab. C'est laquelle cette Zaynab qui est venue me voir? فقيل امرأة ابن مسعود. Donc il a dit c'est la femme d'Ibn Mas'ud. Donc regardez bien. Et dans une version du hadith, il a été dit que cette Zaynab est venue et c'était Bilal ibn Abi Rabah ou ibn Rabah, enfin, qui était à la porte. Et elle lui a dit je suis Zaynab. La femme d'Ibn Mas'ud. Donc Bilal la connaissait également par son prénom. Elle connaissait Bilal. Et c'est là qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Zaynab qui vient te voir. Donc regardez, sans aucun problème, sans aucune gêne, elle a dit son nom, c'est la femme d'Ibn Mas'ud, appelé le plus grand des Sahaba. Elle a dit son prénom tout à fait normal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, sans blâmer. Également dans un hadith de Omar, à l'époque, c'était avant que le hijab ne descende, les adilés sur le hijab, descendre, les femmes n'étaient pas encore couvertes comme elles le furent par la suite. Et les gens le soir n'avaient pas des toilettes dans les maisons comme nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, vous le savez, les toilettes, les WC. Donc ils allaient faire leurs besoins dehors. Et les femmes, des fois, sortaient le soir, lorsqu'il faisait sombre, pour aller faire leurs besoins, ne pas être reconnues si possible. Et un soir, Saouda bint Zam'a, qui était la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sortit pour aller faire ses besoins. Et de là, elle passa devant un groupe de sahaba parmi Omar. فقال عمر الا قد عرفناك يا سودا on t'a reconnu au Sauda. Il a dit on t'a reconnu يا سودا. Il l'appelait par son prénom. C'était la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là par la suite et comment s'appelle Omar, avait fait exprès de faire cela en but d'inciter le professeur Salem de couvrir ses femmes. Et par la suite, les versets sur l'Égypte sont descendus. Donc il a bien appelé Saouda Arafnak devant tout le monde, pas du moins devant le groupe de Sahaba qui était avec lui. Donc tout cela pour dire qu'il n'y a aucun mal à nommer une femme mariée par son prénom. Maintenant, si le mari, lui, cela le dérange, d'accord, ça c'est son droit. On peut dire, il dit par exemple, ne nommez pas ma femme par son prénom, nommez-la par sa kunia par exemple. Il n'y a pas de problème. Ça c'est un droit qui lui revient. Mais croire que c'est une chose qui n'est pas bonne de façon générale, il n'y a aucune preuve à l'appui. Au contraire, les prénoms des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les connaît. D'accord ? On les connaît très bien et personne n'est plus jaloux que lui. Aucun d'entre nous ne pourra se permettre de se dire plus jaloux que lui. Donc les Sahaba, entre eux, même si le fait de nommer par la kunia, cela est plus respectueux, plus respectable plutôt, car c'est une marque d'honneur, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, d'appeler quelqu'un par sa kunia, il n'y a aucun marzour, aucun grief à nommer une femme, qu'elle soit célibataire ou même mariée, par son prénom. Comme on l'expliquait, hormis si jamais, par exemple, elle ne le souhaite pas, ça revient à elle, ou que son mari ne le souhaite pas. Ça, c'est leur droit à eux. Mais en islam, on ne peut pas dire que c'est une coutume de ne pas le faire ou que c'est aïb de faire cela. Là, il n'y a aucune preuve contre cela. Non, ça, c'est un tembi qu'on voulait donner par rapport à ça. Thumma, qala, fi su'al al-rabi'a ba'd 400, man hiya awwal zawjatihi, qui est la première de ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ma'louf, c'était Khadija bint Khouaylid. D'accord ? C'est Khadija bint Khouaylid. Et il est connu qu'il s'est marié avec elle, sallallahu alayhi wa sallam, il était plus jeune qu'elle. Maintenant, des faits sont venus dire qu'elle avait tel et tel âge. Et il n'y a rien d'authentique qui dise quel âge qu'elle avait. On savait juste qu'elle était plus âgée que lui. Certains disent qu'elle avait 40 ans, d'autres plus que cela, ainsi de suite. Et en réalité, on n'a aucun hadith authentique ou une preuve authentique disant quel âge elle avait. On sait juste de façon générale qu'elle était plus âgée que lui. Radhiyallahu anha. Taïb, thumma qala. في السؤال الخامس بعد 400 405 question et dernière du ders بماذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم quel bon annonce lui a-t-il fait le Nabi صلى الله عليه وسلم à Khadija قال بشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب يعني اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب qui lui a annoncé qu'elle avait une maison qui l'attendait au paradis, une maison de perles ne contenant ni tristesse, ni pleurs ou fatigue. Akada. Et ça, c'est dans le hadith d'Abu Huraira. Quand elle atta Jibril al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala Jibril Khadijatu, atatka bi ina'in fi ta'am, ou ina'in fi sharab, fa akriha min rabbiha as-salam, wa bashirha bi baytin fil jannah, min kasabin, la sakhaba fihi, ou la nasab, ou le hadith muttafaqun alayhi. Que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, voici Khadija, elle était venue avec un récipient contenant de la nourriture ou alors de la boisson. Donc, passe le salam de son Seigneur. Et ça, c'est parmi les particularités de Khadija que Allah Azza wa Jal lui a fait passer le salam. Et c'est la seule pour qui cela a été. C'est la seule qui a été gratifiée par cela. Le salam d'Allah Azza wa Jal par le biais de Jibril directement pour elle. Non. Donc de là, Jibril lui a dit, annonce-lui qu'elle a une maison paradis de perles dans laquelle il n'y a ni tristesse, ni cri, ni pleurs. Non. Hada al-lazi akhadna al-yawm, wa bi hada al-qad naktafi, wa alhamdu rabbil alamin.